Derrière lui, on voit passer des clients de l'hôtel en slip de bain, s'arrêter pour échanger des propos entre eux, les mains sur les hanches comme de simples figurants dans un film. Faudrait voir. À force de les bétonner, faudrait voir ça, comment elles sont traitées par leurs semblables, sans parler de l'exploitation des ressources. Faudrait peut-être voir ça d'un peu plus près. Je crois... Interruption. Je crois plutôt qu'elles vont muter. Pour lui, les températures sont constantes. La mer est en train de refroidir et les glaciers s'épaississent. Une fois encore, c'est juste notre pognon qu'on cherche à engloutir. C'est ce qu'il pense bien fort sans jamais oser le dire. Je ne suis pas naturiste. Je porte un t-shirt noir, je suis végétalien. Et alors, qui ça dérange? Ils disent que nous sommes éco-terroristes. C'est quoi leur problème au juste? Leur système ne marche pas, nous vivons dans ces ruines. J'ai le soutien du Dalai Lama. L'amour de l'île n'a pas de limite. Nous sommes majoritaires, la majorité intentionnelle et agissante. Pas d'autre revendication que celle d'aller le plus loin possible. Pas d'autre stratégie que celle de nos désirs. Jamais ils n'entameront notre motivation, notre intransigeance, notre détermination. Oh non. L'amour de l'île n'a pas de limite. J'emmerde l'ONU, les rapports d'experts, les satellites de télédétection et le PDG de la fondation machin. Il est temps de décider par nous-mêmes de ce dont nous avons vraiment besoin. Un nouveau territoire d'existence, une même réalité émergente. L'amour de l'île n'a pas de limite. La nuit, nous sommes là quand les arbres tombent. Nous sommes là pour entendre le fracas de leur chute. Si nous échouons aujourd'hui, d'autres viendront nous remplacer demain, qui surprendront encore les observateurs du monde entier par leur sens de l'improvisation. Des unités toujours plus petites et déterminées. Il faut bien ça pour lutter contre leur gigantisme. Retenez bien ça. Ce n'est jamais l'homme qui commande. C'est la nature qui décide. Retenez bien ça. Ce n'est pas une simple foutue rhétorique de plus. L'amour de l'île n'a pas de limite. L'amour de l'île n'a pas de limite. L'amour de l'île n'a pas de limite. La plupart du temps, il vit cloîtré dans son bungalow, un casque enfoncé jusqu'aux oreilles, des visions océaniques plein la tête. Il échantillonne des tracts et des poèmes-chansons comme de courts télégrammes sur des bandes préenregistrées et entrecoupées par le bruit des vagues, qu'il fait voyager sur des ondes à courte portée, incapables de parasiter quoi que ce soit alentour, compte tenu de la faible portée de l'émetteur utilisé et d'une logistique réduite à sa plus simple expression. Par endroits, l'espace encore libre et disponible autour de lui ne fait plus que quelques centimètres de largeur. L'épaisseur d'un ponton entre des cabines de livres et autres récits de voyage exposés et jaunis en plein soleil, et le rebord abyssal d'une bibliothèque en bambou. La nuit, lorsqu'il gagne à son tour le centre de l'île pour rejoindre le reste de la communauté, le carnet ne le quitte pas, et il est toujours avec lui. La plupart des pages sont illisibles ou même arrachées, et d'autres à l'inverse remplies jusqu'au trop-plein, sans la moindre trace de ponctuation. Schéma des vagues et des courants marins, caractères en double, cartographie du ciel et des étoiles, triplement de certains mots, l'écriture, ou plutôt les écritures, donnent le sentiment d'assister à des métamorphoses multiples sans pouvoir en isoler une seule. Il dit lui-même que ce n'est pas un journal. Plutôt une étendue abstraite aux bords déterminés, un tout ensembliste et déstructuré qui ferait penser à une seconde langue. Ou bien à une armée de nuages prenant le ciel d'assaut en le colonisant, pour l'empêcher de respirer. Cap off, kneeling at the back of the church. healing, it hurts at first. A sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And the watch as your head turns full circle. All hopeless with no coffee and a medical text is too easy. Knowing nothing going off the rest. And the riddles in the pages leave you too much to guess. And the worry cracks and fractures from your hip to your chest. And I watch as your head turns full circle. Voici différentes places intéressantes proposées par la société. Ascète, clochard, philosophe, terroriste. Tous sont en moi, et moi en eux. Mais si l'existence d'un homme se résume à sa dimension sociale, qui suis-je ? L'écrou mal serré, l'emboîtement mal ajusté, les grandes orgues de la vanité. Vanité, vacuité, trépied de la volupté, adepte du système D, D comme décédé, Delta, Charlie, Delta en langage policier, dead on arrival, mort à l'arrivée, le chaînon manquant, l'exercice à trous non terminé, fond de bière éventé, oublié sur table, non nettoyé. Belzébuth, vieux farceur, ne m'as-tu pas oublié ? La folie est un furoncle non percé, à moins que ce ne soit la normalité. Ils ont enterré Mozart dans la fosse commune. Je les entends maintenant qui frappent à ma porte. As I'm sad, I'll keep as a wisdom. Cette année-là, Jean-Pierre Martinet retournait chez sa mère pour tenter de vivre encore un peu. Cette année-là, Jean Dormesson expliquait sur TF1 pourquoi il est un grand écrivain. Pendant ce temps, Jean-Pierre Martinet débouchait une nouvelle bouteille de vin. Le printemps souffle à l'aune d'une disparition. Aléatoire, la lumière éclot sur le flot des jonquilles. Un taxi charrie derrière lui un sac poubelle gris, mais moi je suis dans l'habitacle. Le grand chêne, le seul chêne de l'allée, essaime pollen, ombre, clarté verte. J'éternue pour expulser le souvenir des siestes fraîches placées sous sa protection. Je m'aperçois, la bouche crispée, dans le rétroviseur. Je m'en vais. J'en ai les traits. Treasure gold is fun, brother. Drop your bag at once. Oh, from the air to the people, a master take you all. From a clock to the past, a future that I owe. And to find just one other seems to be the goal of everyone. From the search to the hurt, I believed I could take you all. We would drink, we would dance, and you would watch me whenever you walk. And can you give me everything, everything, everything? 'Cause I can't give you anything. And if you were

Vous pourrez retrouver la playlist des morceaux joués et les références des textes lus sur le site web de Radio Soleil 35 et sur le site web dédié à l'émission uneétoiledanslagorge.tk. Et à tous ceux qui ont une étoile dans la gorge, je vous dis à bientôt.